Ce soir, à l'Aérospatiale, Valérie Potvin à la Galerie 3, les ateliers grand public de la Maison des métiers d'art de Québec et la rentrée artistique hivernale à Québec. Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices, et bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine radio en arts visuels à Québec. Audrey Caro et Jean-Tienne Lafrance en votre compagnie pour cette première édition de l'émission en 2017. Oui, bienvenue en 2017, Audrey. Oui, bienvenue, Jean-Tienne. Bon retour à la barre de l'émission. Contente. Toi aussi, bon retour un peu tard, là, mais bon retour aussi. Ben merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, c'est avec fébrilité là qu'on entame cette autre portion de l'année. On vous remercie aussi, chers auditeurs, d'être à l'écoute avec nous justement à chaque semaine. Et pour bienvenue aux nouveaux auditeurs, si c'est le cas ce soir, on vous parle dans cette émission-là, bien sûr, d'art visuel et particulièrement d'art visuel à Québec. Et encore merci à CKRL à chaque année d'être avec nous dans ce trip-là. Oui, encore pour une autre année. Oui, exact. Et puis, parlons un peu de ce qui nous attend ce soir en première partie. Et elle est déjà avec nous en studio, Valérie Potvin, qui expose à la Galerie 3 une toute nouvelle exposition, un nouveau projet qui s'intitule Monstre. On était voir ça ensemble cette fin de semaine sans le savoir. On s'est croisés à la galerie. On est tombés l'une sur l'autre dimanche. Et voilà, fait qu'on va pouvoir en discuter avec elle pendant toute la première partie de l'émission. Donc, comme je dis si souvent, on se gâte pour une longue entrevue avec l'artiste ce soir. Et sinon, qu'est-ce qu'on a en deuxième portion, hein, Jean-Tienne? En deuxième demi-heure, on va recevoir l'artiste Lauriane Thibodeau et Madame France Lamotte de la Maison des métiers d'art de Québec. Donc, qui vont venir nous parler des formations grand public qui vont être offertes cet hiver et ce printemps, par la Maison des métiers d'art. Et en fin d'émission, on va faire un survol de ce que nous réserve la rentrée artistique hivernale dans les différents lieux de diffusion de la ville de Québec. Donc, on va faire un tour de cette belle rentrée. Là, il y a toujours un beau momentum. Une effervescence dans cette première semaine. Vraiment, vous allez voir beaucoup de choses à surveiller. Des belles choses. Mais tout d'abord, on va prendre une petite pause avec la sélection audio de Simon Roy encore cette semaine. Donc, l'artiste s'appelle Blossom, qui nous présente un espèce de trip-hop, lo-fi, down-tempo, pour le dire en bon français. un artiste qui travaille beaucoup à partir des différentes découvertes du quotidien, donc avec des jouets, au retour de la pause, on s'entretient avec Valérie Potvin. Alors, de retour à l'aérospatiale et on va s'entretenir avec Valérie Potvin. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Oui, alors tu présentes une exposition solo à la Galerie 3 intitulée Monstres. Une exposition, à vrai dire, ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas vu ton travail, je pense, de façon solo ici, particulièrement à Québec. Oui, c'est ça, à Québec. C'est sûr que dans les dernières années, bon, j'étais occupée à faire ma maîtrise. Eh oui. J'ai eu aussi un projet de recherche. Un projet de 1%. J'étais aussi une partie du temps en Allemagne. Donc, oui, ça faisait, je pense, près de 6 ans que je n'avais pas exposé à Québec. Ah, quand même, ça fait un bon bout. Moi, j'ai vu, je pense, 2 ans déjà là d'expos individuels qu'on n'avait pas pu voir. Fait que ça, c'est le fun de revoir ton travail. Mmh. Puis pour avoir eu l'occasion aussi de collaborer avec toi par le passé, c'était intéressant de voir où tu en es rendu après tout ce temps. Eh bien, je sais que Jean-Tiane, tu avais quelques questions ou à des observations que tu avais faites. On va commencer comme ça. Oui, mais Valérie, on a appris à connaître ton travail au cours des années. Tu travailles beaucoup le moulage, le moulage de plâtre, les personnages. Donc, t'as une pratique très installative. Oui. Souvent des mises en situation où tu travaille l'ambiguïté, les personnages et tout et tout. Et puis là, dans ta nouvelle proposition, il y a vraiment les personnages sont plus fragmentés, je dirais. Exactement. Donc, on assiste à une espèce de d'éclatement des corps, parce qu'auparavant, les corps étaient plus souvent entiers. Oui. Alors qu'ici, on a vraiment des espèces de petits monstres formés avec des parties de corps. Des parties de corps, oui. Qui sont rassemblées de façon arbitraire, parfois fusionnées, parfois rassemblées. Comment est-ce que tu réfléchis ce travail-là de fabrication de petits monstres? Est-ce que tu y vas par esquisse? Est-ce que c'est beaucoup par essai-erreur? Non, je fais pas d'esquisse du tout. C'est sûr qu'à la fin, là, c'est pas vrai que je fais pas d'esquisse, mais c'est vraiment plus dans le travail que ça se passe. Cette idée aussi de travailler avec le corps fragmenté, c'était vraiment de m'éloigner petit à petit de la représentation un peu plus fidèle que permet le moulage. Donc là aussi, quand je faisais des moulages intégrales de corps, donc j'évitais toujours la nudité. Donc, utiliser le vêtement, c'était aussi pour amener le corps dans une actualité, parce que, bon, vu que je travaille le plâtre, le moulage, tout ça, ça peut référer directement à l'art classique souvent. Donc, ouais. C'était dans cette optique-là. Mais là, le fait que j'utilise le corps fragmenté, c'était un peu de distancier de la représentation fidèle du corps. Puis là, me permettait d'utiliser des parties de corps nues. Puis le réassemblage, donc, je ne sais pas si je vais être claire dans mon propos, mais tu sais, souvent on parle d'une idée du réalisme, là, surtout que le moulage permet. Et là, je voulais m'en éloigner, mais arriver plutôt à un réalisme au niveau des idées par de l'amalgame à travers des créatures impossibles. Mm-hmm. Je sais pas si c'est ça, moi j'allais dire, parce que la figure humaine, elle est là, mais comme on disait, fragmentaire, puis on la reconnaît quand même, mais il y a des éléments géométriques qui n'étaient pas vraiment, en tout cas, qu'on avait rarement vu dans ton travail. Je veux dire, par exemple, un visage va se mouler à une sphère, par exemple. Oui. Donc, ça aussi, c'était intéressant, cet amalgame que tu as fait là avec certaines formes géométriques aussi. Oui, c'est vraiment des points de départ, hein. Là, j'avais décidé de travailler avec un moule d'une demi-sphère et au départ, j'avais une idée un petit peu plus claire de créer un monument très vertical et avec ces formes-là qui contenaient d'autres choses ou qui référaient peut-être à des espèces de satellites autour, que finalement, souvent, dans le processus de créatif, on découvre toutes sortes de choses, puis on fait des choix, puis on s'en va plus vers une chose ou une autre. Mm-hmm. Donc, on déroge un peu de notre ligne directrice. Mais à la base, bon, toutes mes idées dans le projet sont restées les mêmes, mais vraiment formellement, c'est pas du tout ce que je croyais que ce serait au début, là. Mm-hmm. Ouais. Oui. Puis c'est de tes idées de base, parle-nous-en un peu plus, voir de qu'est-ce qui sous-tend ces œuvres-là dans le monde des idées. Au départ, je m'étais vraiment imposée comme 3 grandes règles. Hein. Faut dire, c'est mon projet de maîtrise. Je m'étais imposée 3 règles qui étaient la mobilité, l'écologie et l'éthique. Donc la transposition de mes valeurs dans une forme symbolique ici encore. Au début, mm-hmm. je voulais vraiment passer du monde du symbolisme à aller vers l'action. Donc, c'est pour ça que je me suis dirigée vers Berlin. J'ai côtoyé certains milieux peut-être un peu plus activistes pour finalement revenir à ma pratique sculpturale puis revenir à un mode de présentation plus symbolique. Là. Mm-hmm, mm-hmm. Répète-moi ta question, je l'ai oubliée. De ces idées, de ces trois idées, ces trois règles oui, c'est qui sous-tendent ton oui. projet. Mm-hmm. Puis ce qui est ressorti beaucoup dans, au fait, toutes les valeurs que je tenais à mettre, à transcrire dans mon travail, c'était beaucoup des idées, ma relation à certains pouvoirs, donc qu'ils soient politiques, culturels, les relations de pouvoir entre les personnes. Donc c'est vraiment autour de ça que j'ai travaillé. Puis bon, ici dans ce projet-là, en amalgamant les objets, il y avait énormément de connotations sexuelles qui se produisaient. Chose qu'avant, j'essayais un peu tout le temps d'annuler. Puis ici, essayer d'assumer un peu plus. Donc, c'est sûr que cette orientation-là, elle est très forte dans le projet actuel, mais c'était pas nécessairement quelque chose de conscient au départ. C'est juste à travers le processus de travail, comme accepter des choses qui se passent, mm-hmm. les voir leur importance, puis aussi réaliser que ce sont des sujets qui me touchent aussi, qui me concernent, puis qui m'affectent. Donc, mm-hmm. Mais encore là, c'est pas on parle de sexualité, mais oui. c'est pas explicite, là. Non, c'est pas explicite, hein? C'est du tout. C'est quand même, on peut le voir, par exemple, oui. avec ce visage, là, la petite langue oui. qui est fourchue, oui. ou bien la grande installation, ben, j'ai la grande sculpture à l'entrée, là, sur oui. le bord, quand on arrive avec les jambes ouvertes, mais ça fait pas... C'est ça, oui. c'est subtil quand même. J'ai vraiment toujours... Ben, j'ai souvent fait ça. Puis là, mm-hmm. principalement ici, j'ai travaillé à ce que les objets... au lieu d'utiliser le terme ambigu, on pourrait dire comme la notion d'indécidabilité. C'est-à-dire oui, qu'on ne oui, sait oui. pas trop si c'est une chose ou une autre. Puis elle permet qu'on accepte tout ça puis qu'elle pose différentes questions. Il y a différentes strates, comme ce personnage-là que vous parlez avec les jambes ouvertes. Bon, ça pourrait référer à un accouchement ou, mm-hmm. ou une personne qui souffre. Tout comme la grosse coupole avec un visage puis des bras oui. qui s'appelle l'étreinte. On peut penser à une étreinte amoureuse. Le personnage les calme, tout ça, mais en même temps, on pourrait penser à la mort, mais en même temps, il y a un geste parce que la coupole bascule presque, il y a un bras qui retient. Donc, c'est une espèce de tension qu'il y a dans les objets d'une chose et pas toujours son inverse, mais parfois son inverse, mm-hmm. mais différentes couches de sens comme ça qui s'installent. Oui, comme tu parles de l'étreinte, c'est ça qu'on regardait, dépendamment aussi du point de vue. Hein, on invite les gens parce que c'est... Tous ces objets-là, ces sculptures-là sont disposées sur un grand socle et puis il faut faire le tour. Mais oui. je trouvais aussi que d'un point de vue à l'autre, justement, notre perception du même objet pouvait varier. Justement, comme l'étreinte, autant à un moment donné, d'un angle, on aurait dit effectivement une étreinte amoureuse, mais d'un autre angle, on se posait quasiment la question, est-ce qu'il est en train de vouloir l'étouffer? Oui, un étranglement, oui, exactement. Donc, c'est intéressant oui. aussi, il faut se donner la peine de faire le tour, de prendre le temps, de bien regarder, parce que c'est ça, chaque objet a un sens ou une multitude de sens, dépendamment aussi même du point de vue. Puis je pense que c'est un peu ça aussi, la magie de la sculpture, c'est qu'on peut faire oui. le tour, l'admirer sous différents points de vue. Là, exactement. Donc, c'est vraiment travailler aussi autant dans chaque objet que vraiment dans l'amalgame de l'installation. Là. Donc, les groupes d'objets, mais aussi les relations, ils sont pas juste formels, ils sont aussi au niveau des idées. Donc, oui. on peut se faire toutes sortes de récits, mais c'est jamais clair. Le propos qui est... On comprend certains propos à travers ces images-là, mais le propos, il est pas clair. C'est pas un récit clair. Là. C'est ça, il est ouvert, finalement. Il est ouvert, c'est ça. Puis il peut résonner pour une personne différemment, pour chaque personne, je veux dire. Ouais. Oui, exact. Puis dans la ben, j'imagine que tu as fait beaucoup plus de pièces que celles qui sont présentées oui. en galerie. Donc tu as passé un certain temps à réfléchir la disposition des différentes œuvres, les relations les unes par rapport aux autres, les points de vue. Puis quelle a été ta ligne directrice, mettons, pour pouvoir réfléchir tout ça ensemble? Comment tu as procédé? Comment j'ai procédé? C'est ça, j'ai placé la grande sculpture en premier, puis je voulais qu'elle donne le ton, donc qu'elle s'ouvre aussi au public directement. Oui, c'est un accueil. Hein? Oui, c'est ça, c'est un accueil. Puis au fond, il y a une grande pièce aussi qui est très verticale, donc je voulais vraiment qu'on ait en premier, le premier point de vue, soit ces deux personnages-là qui sont en comme en duel un peu. Mm-hmm. Ensuite de ça, les autres, il y en a plusieurs qui sont disposés vraiment dans une forme d'arc et que qui le motif de la main revient souvent, puis tout s'en va dans la même direction. Donc, un peu comme faire un déplacement de créature un peu animale, parce que c'est ça, le motif de la main répétée produit des espèces d'effets organiques qui suggère des animaux ou des créatures marines ou ce qu'on oui, veut. Oui, comme la pieuvre. Oui. Oui. On a l'impression qu'ils vont se mettre à bouger. Certaines œuvres, on a vraiment l'impression qu'ils vont se mettre à sont figés, mais on a l'impression qu'ils vont se mettre à s'animer puis à interagir les unes avec les autres. Oui. La pieuvre, c'est ça aussi. C'était l'idée de quelque chose qui se déplace. Puis là, bon, on voit les bras qui sortent de sous une coupole, donc quelque chose qui est latent, qui avance. Donc, oui. C'est parce qu'on peut s'imaginer le mouvement très facilement de ces œuvre-là, ou celle avec les mains dans le coin, au fond, là, avec le visage placé sur le dessus, je pense qu'on l'appelait le crabe, là. Donc, le consentement, c'est ça, de son vrai titre. Ouais. Mais c'est ça, c'était intéressant parce qu'effectivement, malgré le côté très statique de la sculpture ou de certaines pièces aussi, je pense notamment à celles qui sont dans le coin, là, justement, adossées au coin, ou qui sont un peu plus monolithiques. Là, on est dans le facilement, on perçoit le mouvement aussi dans ces quelques œuvres-là aussi, là, au sol. Là. Mais celle que tu appelles le crabe, là, que j'ai appelée moi le consentement, elle, c'est une œuvre mobile. Hein. Je ne sais pas si à la galerie, vous ont fait la démonstration petit oui, non, non. Là, Oui, ben c'est ça. Demander à le voir parce que c'est intéressant parce que la tête finalement se met à bouger en faisant oui ou on peut la tourner puis elle fait non. Oui, exactement. C'est intéressant. Oui. Encore ça, c'est une découverte un peu par hasard dans l'atelier. Là. Ben c'est ça le jeu aussi de l'atelier, c'est de placer, amalgamer, voir comment ça fonctionne. Mais c'est vraiment un beau résultat. Et merci. Et puis justement concernant cette pièce, le consentement, les mains sont recouvertes de petits pustules. Oui. On peut appeler des verrues. Il faut dire que plusieurs autres œuvres sont très, très lisses. Oui. Cela se démarque par sa texture. Donc, il faut quand même l'évoquer aux auditeurs. Là, donc, Mais j'aimais ça aussi parce que cette texture-là, bon, on voit tout de suite que ça ressemble à un petit crabe. Donc, ressemble un peu justement au petit pustule des pattes de crabe, mais lié à l'idée du consentement, donc du oui, non, non, quelque chose qui nous révulse un peu, hein, les verrues. Donc, il y a ça aussi un peu du travail de l'abjection dans mon projet, là, des choses que moi-même me dégoûtaient un peu, comme ce gros visage-là avec les jambes ouvertes. T'sais, pourtant, il n'y a rien de dégoûtant là-dedans, mais des fois, il y a des images, des choses qui nous font comme « Ih, non! » Donc là, je suis allée jouer un peu là-dedans. Je suis pas allée si loin, mais... Oui, c'est ça, mais il y a quelque chose de il y a un beau travail justement sur la tension, attraction, répulsion. Ouais. Est-ce que j'aime, est-ce que ça me dégoûte, et puis j'aime et ça me dégoûte en même temps. Ouais. Et puis beaucoup de sensualité. C'est ça. Sans que ça soit sexuel, il y a beaucoup de sensualité dans le travail des textures notamment. On a vraiment envie de toucher, de voir, de sentir. Fait que ça va chercher beaucoup. Puis je pense que c'est quelque chose qui était peut-être, justement, quand tu parlais tout à l'heure, peut-être dans ta démarche, plus tes sculptures d'autrefois, où on était, dans la représentation de la figure humaine, en plus dans le côté classique, je veux dire, de la statuaire, si on peut dire. Là, vraiment, comme Jean-Tiane me soulignait, la sensualité, moi, c'est ce qui m'a marqué beaucoup. Le travail des textures, la douceur, le côté lisse, mais aussi, c'est ça, ces petits éléments qui venaient parfois briser tout ça aussi. Donc, J'ai quand même perfectionné ma technique. J'en suis arrivée, à une technique où je suis capable de faire des finis très, très lisses, chose qu'avant, n'était pas nécessairement maîtrisée, puis que maintenant, bon, j'ai développé mes propres techniques de travail, puis j'y arrive. Une dernière question avant la pause audio. En parlant de technique, on se demandait, Audrey et moi, est-ce que les pièces sont pleines ou sont vides? Comment les pièces sont faites à l'intérieur? La plupart sont vides, là. Une question de poids, évidemment, là. Donc, la plupart sont faites par automoulage ou vraiment par façonnage, là. Mais c'est sûr que, comme le gros visage, c'est vide, là. Sinon, ça pèserait des centaines de livres, là. C'est ce qu'on disait, mais des fois, ça aurait pu être une autre façon de faire aussi, là. Parfait. Donc, on va continuer l'entretien après une petite pause audio, encore une fois avec Blossom, la pièce Step by Step. alors de retour à l'aérospatiale en compagnie de l'artiste Valérie Potvin. On parle de son exposition Monstre qui est présentée à la Galerie 3. Valérie Potvin, quand on est allé visiter l'exposition dimanche, Audrey et moi, on n'a pas eu l'occasion d'aller au vernissage, mais Norbert Langlois, qui est un des copropriétaires de la galerie, nous a parlé du vernissage, à quel point il y avait quelque chose de beau qui se passait durant le vernissage. Peux-tu nous en parler un peu plus de cette ambiance? Oui, mais certainement. J'étais très contente. Ben, au fait, avant le vernissage, on se posait la question de comment on allait faire pour, parce que éviter que les gens, peut-être renverse du vin sur l'installation parce que l'espace est assez restreint hein, où on peut circuler oui. Tout ça. Puis c'est déjà arrivé par le passé dans certaines de mes expositions, oui, des accidents pendant le vernissage. Donc on avait simplement décidé, de demander aux gens de respecter puis de pas amener de vin, tout ça. Donc, ce qui se passait, c'est que vraiment, les gens allaient visiter l'exposition avant, puis après, revenaient dans l'espace commun pour prendre un verre. Là, les gens étaient très, très près les uns des autres. Oui, c'était différent un peu des vernissages où un peu des fois c'est la cohue, puis on va voir les amis, mais c'est pas nécessairement des super bonnes conditions pour voir les œuvres. Là, je pense qu'il y avait quand même les deux. Donc il y avait la fête d'un côté, vraiment des conditions pour idéales pour profiter de l'œuvre. Pour plutôt être en rencontre avec les œuvres, ce qui est plus difficile normalement dans les vernissages. Oui, exactement. Et puis c'est intéressant parce que le socle est au sol, hein, c'est une grande forme rectangulaire qui imite un peu, si on veut, la forme de la galerie. Oui. Donc il y a toute une panoplie de différents points de vue qui se forment d'un côté et de l'autre, et puis il y a certains regroupements, on dirait aussi. Oui. Il y a comme une grande histoire puis des petites histoires. Exactement. Tu parlais tout à l'heure de la façon dont on procédait pour installer les œuvres, donc dans cette espèce de forme d'arc, et puis moi, en fait, il y a une petite histoire qui m'a beaucoup accrochée. C'est les petits oiseaux. Oui, les phénix. Oui, les phénix. je sais que par le passé, tu as utilisé la figure de l'oiseau de façon quand même assez magistrale dans certaines œuvres. Là, la figure de l'oiseau revient dans le phénix. Et puis, il y a des nez, des oreilles. Donc, un visage sans yeux avec... comment t'es venue cette figure-là du phénix dans ton travail? C'est vraiment, comme je vous disais au départ, j'avais vraiment l'idée de monument plus en hauteur, donc presque totémique. Mm-hmm. Donc j'avais envie d'apporter quelque chose de ça, là, un peu de l'amalgame de différents visages, mettons, dans les totems, mm-hmm. Un peu déconstruit, tout ça. Donc, j'ai commencé sur cette idée-là, puis là, finalement, la forme de l'oiseau est arrivée, le phénix, je suis allée chercher sur la symbolique du phénix, donc l'oiseau qui renaît de ses cendres, tout ça. Et puis là, le faisant rotomouler, donc qu'il soit évidé, phénix faisant référence directement au mot pénis, donc qui pouvait ressembler aussi à un cache-sexe, donc vraiment comme un objet... d'un peuple qui n'existe pas ou qui est complètement inventé là, c'est comme un peu un jeu, mais aussi le visage, donc la bouche à la base, donc amener un petit côté subversif aussi, très étrange à cet objet là. Ouais. Oui, encore une fois, on évoque la sexualité sans le montrer beaucoup hein, dans ce projet là. Ouais. Oui, je voulais, moi, te demander, Valérie, oui? Quelque chose qui m'a marqué tout de suite en rentrant, parce que je connais bien la galerie, c'est l'éclairage. Tu as joué sur l'éclairage habituel de la galerie dans le secteur où ton installation, tes sculptures sont présentées. Je voulais juste savoir pourquoi, justement, avoir modifié pour placer des néons plutôt que des spots. Oui, les spots, au fait, éclairent un peu d'une manière dramatique peut-être, puis c'est pas nécessairement cet effet-là que je cherchais. Le néon, c'est pas la première fois que je l'utilise, comme ça fait un éclairage plutôt diffus, il y a vraiment une sensation un peu où le néon tremble un peu aussi mm-hmm. hein, dans sa lumière, donc une espèce de lumière diffuse qui nous fait perdre un peu nos repères entre le fond de la plateforme puis les objets, donc c'était plus cet effet-là que je recherchais. Ouais. Mais en tout cas, on le voit la différence. En tout cas, ben ça dépend là. Moi, je l'ai vu tout de suite parce qu'à l'entrée, c'est ça, on est encore dans les spots, l'éclairage au DEL, puis là, pouf. Ouais. Quand on arrive là, ça me prend un petit moment, mais après ça, les yeux se sont placés, puis là, on perçoit ça. Les ombres aussi sont moins accentuées aussi. Donc peut-être cette, comme tu dis, théâtralité là qui est moins puissante, moins forte pour qu'on se concentre sur l'objet en soi là. Ouais, ça, la couleur très blanche aussi, parce que je choisis un néon blanc froid, donc pour vraiment concentrer sur l'unification de tous ces blancs-là. Et puis aussi, il faut quand même le souligner, là, tu disais tout à l'heure que c'est ton projet de maîtrise, mais c'est toi qui as contacté la galerie pour présenter ce projet-là. Je me demandais pourquoi justement avoir fait ce choix-là de contacter une galerie privée pour aller présenter ton projet. Ça s'est fait très rapidement, honnêtement. Mon projet, la fin de la maîtrise s'en venait, j'avais pas le temps de faire des appels de dossiers, comme le processus de sélection est très long. Donc, je comptais vraiment trouver un local, me le faire prêter ou le louer, présenter mon travail. Puis, j'ai dit, tiens donc, je demandais par hasard à la galerie parce que, bon, je connais Norbert un peu depuis quelques années. Donc, je suis arrivée avec ça. Puis, au début, je sais pas, mais la galerie est fermée à ce temps-là de l'année. J'ai dit, c'est parfait. Oui. Finalement, on a discuté avec le copropriétaire, puis sa collègue. Puis, finalement, ils ont décidé d'embarquer dans cette histoire-là avec moi. Je pense que aussi, serait intéressé à éventuellement créer un partenariat avec l'université, offrir cette plage horaire-là. Donc, ça reste à faire, là, mais donc à des étudiants. Là, il y a une ouverture, effectivement. Oui, vraiment. Oui, c'est le fun. Moi, je suis tellement contente. C'est une belle opportunité. C'est ça, c'est plaisant. En plus, c'est face à l'université. C'est ça. À l'École des arts visuels, on est tout juste à côté. Donc, c'est vraiment... C'était une chance. C'était un coup de tête comme ça, puis ça s'est fait, puis... Tout le monde est content. ça crée un précédent, c'est très intéressant. Ouais. D'autant plus que jeudi, il y a une rencontre, je crois, à la Galerie 3 à 17h30. Exact. Comment ça va se passer? Tu fais une conférence? Je sais pas exactement comment ça va se passer. Je pense que ça va être un peu de manière informelle, mais effectivement, je vais parler de mon processus de travail, un peu comme on est en train de faire en ce moment. Oui. Peut-être répondre à des questions directes. Les gens, c'est comme un peu un deuxième petit vernissage. Les gens qui n'ont pas eu l'occasion de se rassembler au vernissage vont venir plusieurs, puis poser des questions. Puis je vais présenter globalement mon projet-là. Ouais. Parfait. Alors, merci beaucoup Valérie Potvin de t'être déplacée en studio avec nous pour nous parler de ton exposition Monstre qui est présentée à la Galerie 3 jusqu'au 22 janvier. Alors nous, on va partir à la pause et au retour, on va parler des ateliers grand public offerts à la Maison des métiers d'art de Québec. CKRL 89.1. Le Bal du Lézard est fier d'encourager les talents d'ici et vous présente cette soirée. Présentement, à l'affiche au cinéma Le Clap, La La Land, Lion, Voté Bougon et Le Fils de Jean. En janvier, voyez aussi Père Fils Thérapie dès le 6 janvier, Le Jour des Patriotes dès le 13 janvier, Nelly dès le 20 janvier et Julietta dès le 27 janvier. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca. Bon cinéma! La 9e édition de Planche est maintenant disponible. Dans ce nouveau numéro, devenez spécialiste des BD avec Iris et Caton, voyagez dans l'espace avec Jean-Paul Ed, ou encore plongez dans les dessous de la création de la bande dessinée à succès Hiver nucléaire en compagnie de Cab. Sous la couverture signée Jimmy Beaulieu, découvrez une toute nouvelle chronique intitulée Rencontre, dans laquelle Catherine Oslo dialogue avec une personnalité. Abonnement papier ou numérique sur revueplanche.com ou en librairie dès maintenant. Cet hiver, vivez l'expérience du Mois Multi, le Festival international d'art multidisciplinaire et électronique de Québec. Tout le mois de février, plongez au cœur de nos installations. Laissez-vous scruter par 5 robots qui réalisent votre portrait. Suivez la trajectoire lumineuse de 25 escargots, domptez une imposante créature flottante. Le Mois Multi, c'est 25 jours de festivités et de rencontres avec des œuvres hors du commun. Du 2 au 26 février à Méduse et chez plusieurs partenaires. MoisMulti.org. Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices. Donc, de retour pour cette deuxième partie de l'aérospatiale, Audrey Caro et Jean-Tiane Lafrance avec vous ce soir au micro. Et nous avons deux invités en studio. Madame France Lamotte. Bonsoir, Madame France. Bonsoir. Et Madame Lauriane Thibodeau. Bonsoir, Lauriane. Bonsoir, bonsoir. Vous êtes ici pour nous parler de des ateliers grand public qui sont offerts à la Maison des métiers d'art de Québec. Donc, vous, France, vous êtes chargée de des ateliers grand public. Et Lauriane, vous êtes artiste, artisane et formatrice aux ateliers grand public à la Maison des métiers d'art. Pouvez-vous nous parler un peu France, des différentes disciplines? Je sais qu'il y a une offre assez diversifiée de formation en métiers d'art à Québec. La Maison des métiers d'art en offre une certaine partie. Et il y a différentes disciplines. Quelles sont les disciplines qui sont enseignées à la Maison des métiers d'art? Dans le plus gros, on offre les disciplines qui sont au niveau du DEC, c'est-à-dire la céramique, textile, les sculptures. Mm-hmm. Et puis, on a d'autres cours aussi qui peuvent être joints à ça, comme cette année, on a le dessin d'observation. C'est à peu près, notre domaine. Là. Donc, quand on parle de sculpture, par exemple, quels sont les différents volets de la sculpture qui sont offerts au grand public? On a un grand volet. On a la sculpture sur pierre, sculpture sur bois, l'initiation à la forge. Ensuite de ça, on a, soudure sur acier. Mm-hmm. On en a quand même qui sont quand même assez populaires. Si je regarde, comme vous voyez, pour la Saint-Valentin, ce qui va partir, c'est forger le couple. Oh, ça, wow! Ça m'a surpris, mais ça a été très, très populaire parce que c'est déjà complet. Ah oui? Ah oui, super. Fait, dans le fond, c'est en couple, on va aller forger ensemble, finalement, c'est ça? Initié, ouais. Pour une journée complète. Ah, ben c'est intéressant. Puis à quel endroit vous faites ça? Parce que je sais qu'à Québec, des forges, c'est pas monnaie courante. Pas. Hein? On a un local de forge qui est absolument magnifique, qui est équipé au complet. Puis on a deux fours de forge, donc qui peuvent quand même amener plusieurs personnes. Puis juste à côté, on a la soudure quand on a soudé après la forge. Oui, ben c'est sûr qu'avec l'école, on est bien équipé généralement. Là, j'ai pas pensé, mais effectivement, les forges, si on peut dire, pour le grand public, les gens qui ne seraient pas formés à la Maison métier d'art, c'est pas très accessible, disons. Je sais qu'à Montréal, il y en a une qui tend à survivre là, tranquillement. Ouais, les forges de Montréal, mais bon, c'est oui. Ça, ouais. Mais très intéressant ça quand même comme offre, parce que moi, c'est ça qui m'a marqué, c'est de voir la variété aussi. C'est ça, oui, en couple, on peut y aller seul. Il y a ça s'adresse aussi, je pense, parfois, Lauriane, tu nous disais aussi à des artistes qui voudraient parfaire, hein, parce que là, on parle grand public, oui, monsieur, madame, tout le monde, mais il y a des artistes ou artisans qui peuvent aller à ces cours-là également aussi, non? Tout à fait. Donc, en dehors du DEC, comme France mentionnait, donc évidemment, le DEC est une formation complète de niveau collégial, c'est un 3 ans technique, donc quelqu'un qui souhaite vraiment... disons, justement, s'initier à la céramique, par exemple, mais de façon, disons, très poussée pour en avoir une pratique artistique, c'est tout à fait opportun d'aller vers ça. C'est unique. Même, justement, le DEC en sculpture est unique au Canada. Il n'y a pas d'autres lieux qu'on connaît là, qui peut offrir ces formations-là. Par contre, en atelier grand public, justement, c'est plutôt de l'ordre de l'introduction. Mm-hmm. Donc, on peut, une fois par semaine... s'introduire à une technique comme par exemple la soudure ou la fabrication de patrons en textile. Donc, il nous amène justement à pouvoir utiliser le volume d'une façon différente puis construire justement à travers notre pratique artistique. Donc, les cours d'atelier grand public qui sont justement évidemment pour tout le monde finalement, mm-hmm. pour tous, peuvent être une manière très concrète de s'initier à des nouvelles techniques, des nouveaux matériaux. Puis l'offre de la Maison des métiers d'art est vraiment... génial, puisque justement, c'est les installations qui sont, puis les ateliers qui sont immensément garnis. Quand on parlait de pierre tout à l'heure, c'est très difficile de suivre un cours de pierre, même en dehors d'une, justement, dans une pratique, avoir un atelier de pierre en ville, c'est très, très complexe. Ben, la Maison des métiers d'art offre ça, a ça comme équipement exceptionnel. Oui, et puis aussi, tu sais, parce que moi, je pense, j'ai déjà suivi des cours de couture, m'initier à la couture il y a quelques années, et puis les seuls endroits où on peut le faire, des fois, c'est des activités de la Ville de Québec, mais ça reste pas aussi dirigé là, que ce qu'on peut obtenir, puis en même temps, c'est souvent de l'ordre du bénévolat, ou enfin, on passe le cercle des fermières, c'est intéressant comme expérience, mais là, ouais, on est vraiment en contact avec des formateurs professionnels aussi. Là, oui, parce que tous les formateurs qui sont affiliés avec les cours ateliers grand public sont soit des artisans ou des enseignants au DEC. Donc, on prend pas monsieur et madame tout le monde. Il faut quand même avoir une certaine accréditation. Mm-hmm. Fait que la formation elle-même aux ateliers grand public est beaucoup aimé à cause de ça. C'est une grande qualité, là. Absolument. Bien sûr, oui, oui. Puis c'est quand même des coûts assez accessibles parce que ça se prolonge sur plusieurs semaines, là, généralement. Là, on a parlé de l'efforge qui était une journée, là, mais il reste que quand même, ça peut s'étaler sur plusieurs semaines, les formations. Oui, les formations, il y en a plusieurs qui sont seulement qu'une journée, mais il y en a plusieurs qui sont 5 semaines, 3 semaines. C'est dépendant du cours lui-même. Puis ça va jusqu'à 10 semaines. Et puis le prix est fait selon le nombre de semaines. Donc, si vous venez seulement qu'une journée, c'est beaucoup moins dispendieux qu'un cours de 10 semaines. Puis, il y a certains cours qui ont des ateliers libres entre le premier et le dernier cours, qui est bien aimé, bien intéressant aussi. Oui. Ben, moi, je suis intriguée par... vous nous avez apporté des petites surprises en studio. Ouais. On a un bol de céramique. Ouais, un bol tourné, donc typique de ce qu'on peut produire là pendant un cours de tournage de poterie. Et on a un petit personnage assis. Donc, ça aussi, c'est de la céramique. Tout à fait. Donc, c'est deux exemples concrets de ce qu'on peut venir chercher comme technique en venant prendre un cours d'atelier grand public. Donc, on a ça va être, un atelier grand public qui est plus consacré au tournage et un qui est plus consacré façonnage, modelage. Exactement. Est-ce qu'il y a des cours qui sont plus spécifiques sur la finition? Est-ce qu'il y a des cours qui sont plus avancés? Est-ce qu'il y a des cours débutants, intermédiaires, avancés? Donc, par exemple, le tournage, France me partageait qu'il y a 4 cours par semaine, donc qui sont donnés. C'est-à-dire que toute la session, pendant 10 semaines, il y a 4 cours qui sont donnés. Donc, niveau 1, 2, plus avancé, tout ça. Donc, les gens peuvent tout à fait s'initier, prendre un premier cours, puis poursuivre après. Puis les formateurs, justement, par leur grande connaissance, sont capables de s'adapter puis de répondre aux besoins des gens, les amener à aller vers ce qui les intéresse de plus en plus. Donc, il y a plusieurs niveaux à faire. Donc, les groupes France sont quand même assez petits. Est-ce qu'il y a une limite d'inscription oui, qui permet d'avoir un rapport personnalisé? Que c'est question de place. Comme les tours, on n'a seulement que 10 tours pour un cours. Donc, on ne peut pas avoir plus de 10 personnes. Puis, de toute façon, souvent, c'est le formateur qui limite le nombre de personnes selon ce qu'elle peut donner comme information. Comme en textile, il y a des cours qu'on peut pas dépasser 5 personnes, dépendamment. Comme si on regarde ici, on voit pas. Le feutre Nuno, on peut pas dépasser 5 personnes à cause de l'espace que ça demande. Donc, il y a une formation qui est offerte pour faire du feutre Nuno comme ça. Donc, vous allez voir, chers auditeurs, si vous nous suivez sur Instagram, on a une magnifique écharpe. Ça, c'est une formation qui est offerte pour la session ou c'est une formation d'une fin de semaine? Non, c'est une formation. Celle-là, elle dure une seule journée. OK. Mais c'est une limite de 5 personnes. Mm-hmm. Donc, vous voyez, cette année, on a eu notre limite de 5 personnes et on part un deuxième cours à cause de la demande. Donc, la demande est forte. Énormément. Pour le feutrage. Oui. Donc, c'est quand même assez magnifique. Des couleurs qui rappellent l'hiver. Ouais. En ville. Et puis, qu'est-ce que vous... c'est du tricot que vous avez comme... Ça, c'est du tricot à la main. On a un cours d'initiation au tricot. Mm-hmm. Les personnes vraiment qui commencent à tricoter. Mm-hmm. Et puis, ça aussi, c'est beaucoup aimé parce qu'il y a des gens qui... C'est comme une mode qui vient et puis... Oui, il y a un retour pour le tricot. Absolument. Hein? Donc, il y a quelque chose de très thérapeutique aussi. Ah oui. Ah oui. Ouais, ben si je peux me permettre, je pense qu'il y a, ben je pense, j'observe, ça fait déjà donc plus de 8 ans que je donne des cours de loisirs, j'observe qu'il y a vraiment un retour vers l'intérêt de faire soi-même quelque chose. Là, on est dans, bon, dans des cours de loisirs de l'ordre de la créativité. Ça répond clairement à un besoin que les gens ont d'avoir les mains dans la pâte, dans du concret. Puis, évidemment, comme je donne des cours depuis plusieurs années, ça m'intéresse. Je lis sur le sujet. Puis, j'ai vu une conférence il y a quelques années aux États-Unis où le formateur expliquait que c'était intéressant d'observer que plus notre époque s'en va vers l'électronique, le numérique, le virtuel, entre guillemets, là, disons, du moins côté communication, tout ça, plus les cours de loisirs, les cours de création, le do-it-yourself, donc tous les tutoriels sur Internet pour faire soi-même des choses, vont en augmentant. Donc, c'est intéressant comme observation, comme rapport. Ça répond clairement à un besoin. On cherche à compenser pour une vie qui se dématérialise en retournant à quelque chose de plus matériel, de plus artisanal. Et également aussi tous les produits de consommation qui sont fabriqués à la chaîne, en Chine, qui sont importés comme ça. Il y a c'est une espèce de façon d'y contrer aussi. Je dirais aussi que les personnes qui viennent suivre les cours, ce qu'ils aiment beaucoup, c'est que quand ils partent, ils ont toute l'information pour pouvoir continuer chez eux. Si on regarde Feuilleton Nuno, ils ont tout ce qu'il faut, puis où acheter leur matériel et puis comment faire. Et puis ça, c'est beaucoup demandé parce que les gens viennent suivre le cours, je suis d'accord. Mais par après, ils veulent continuer à créer, à faire chez eux. Donc, on devient autonome, on peut... Oui, c'est ça. Donc, absolument. Peut-être pas pour la forge, par exemple. On peut s'en fabriquer une si on est un peu habile autodidacte. Mais pour sûr aussi, on utilise les objets après. Ça, c'est quand même très... c'est très proche de la notion de métier d'art. Donc, la définition même du métier d'art, en tout cas du moins une partie de sa définition, donc l'intérêt d'utiliser l'objet par la suite, donc il y a le plaisir de faire, mais utiliser par après, ça devient partie du quotidien, puis ça, il y a vraiment une fierté qui va avec ça aussi quand on le fait soi-même. Puis ça fait de très beaux cadeaux à offrir. En plus. Hein? Ça, là, c'est plaisant parce que moi, c'est de la couture amateur là, que j'ai fait, mais d'offrir un cadeau à quelqu'un, on dirait que ça vaut encore plus que d'acheter quelque chose déjà tout fait. Il y a une fierté. Il y a une fierté, c'est ça, oui. Puis autant pour nous d'être fiers, de dire, regarde, j'ai fait ça, mais aussi en même temps pour la personne qui le reçoit, de dire, mais on a pris la peine de me fabriquer quelque chose. Ça, c'est plaisant. Puis la sensibilité excuse-moi, France. La sensibilité aussi qu'on développe à observer que finalement, tout ce qui est autour de nous a été fabriqué. Exact. Peut-être pas, évidemment, pas toujours à la main, mais tout a été fabriqué. Donc, il y a une sensibilité aussi au monde concret qui nous entoure, tout simplement. On est plus attentif après, quand on observe les objets ou les vêtements ou ces choses-là, à voir comment, justement, comment c'est faire, dire, ah oui, OK, ils ont dû procéder de cette façon-là, ça. Et quoi, on devient curieux après ça, là. Oui, c'est ça, la curiosité embarque, puis c'est une porte qui s'ouvre. Oui, effectivement. Puis à éveiller notre créativité, parce qu'à part à l'école, des fois, ce genre de technique-là, on n'a pas l'occasion, justement. Fait que c'est une belle façon, de commencer l'année, puis de dire, travaillons de nos mains, justement, plutôt que de pitonner sur nos appareils. Puis on peut peut-être tout simplement rappeler que la Maison des métiers d'art est située sur la rue Charret, sur l'avenue Charret, donc c'est vraiment au centre-ville, c'est hyper centrale, très facile de venir par autobus, tout ça. Donc, c'est exceptionnel d'avoir cette école-là aussi bien située, aussi bien garnie en offres de cours. Et qu'est-ce qu'il y a comme autre activité aussi à la Maison des métiers d'art, excepté, mettons, la formation collégiale, la formation grand public? Il y a des conférences, des rencontres avec les artisans? Oui, puis je vous dirais que ce qui est commencé l'an passé, c'est des cours d'été, c'est des semaines intensives. Et puis, on a commencé à toucher le niveau adolescent, enfant. Et puis, les adultes, des cours intensifs une semaine de temps, comme on a eu un cours de céramique, justement. On faisait 2 jours façonnage, 2 jours tournage et un jour émaillage. Oh, donc, wow. La personne touche à tout. Mm-hmm. Et puis, elle part avec plusieurs pièces. Puis, c'est une semaine vraiment... Il y en a qui prennent leur semaine de vacances pour ça. Oui, c'est ça. Ouais. Ça fait des, c'est exactement ça. Des vacances bien, bien créatives et bien oui. remplies. Oui. Et puis, pour terminer, c'est quelle est la date limite pour s'inscrire au, c'est à la session d'hiver? C'est tant que le cours commence pas. On jusqu'à se donne la dernière à peu minute. Près 10 jours avant le cours. Okay. Parce que là, il faut donner la réponse au formateur. Oui, mm-hmm. Parfait. Puis pour toutes les informations, c'est sur le site web de la Maison des métiers d'art qu'on peut trouver là, les formations, les coûts, l'inscription. Tout est disponible là-dessus, absolument. Je crois bien. Absolument. Ou qu'on m'appelle, puis je suis toujours disponible pour donner des réponses ou des questions qui ne sont pas sur le site. Parfait. Oui. Alors, France Lamotte, merci beaucoup. Lauriane Thibodeau, merci. Et puis, on va partir pour une courte pause audio et on va vous revenir après la pause avec les événements à venir dans le monde des arts visuels à Québec. On entame ce dernier droit à l'émission et Jean-Tierre, on voulait parler ensemble de ce qui nous attend pour la rentrée artistique qui a lieu ce vendredi, hein, parce qu'il y a beaucoup d'ouvertures, mais peut-être rappeler aussi aux gens qu'est-ce qui s'en vient dans les semaines à suivre aussi, parce que c'est pas tout le monde qui rouvre ce vendredi, mais il y en a déjà qui sont ouverts. On a parlé tout à l'heure de la Galerie 3 avec Valérie Potvin, donc qui présente son exposition Monstre, mais il y a aussi Amateria. Oui. Qu'il y a Mylène Michaud qui a ouvert là, son exposition d'un point à l'autre à la à Materia, donc, et ça va être jusqu'au 5 février, mais on aura Annie Charland-Thibaudeau qui va nous en parler le 31 janvier, donc juste avant la fin de l'exposition. Ça nous fera un rappel, mais on est en textile avec Mylène Michaud, donc ça vaut vraiment la peine d'aller faire un petit tour avant si vous êtes curieux. Mais sinon, cette semaine, c'est à Méduse, hein, qui est un gros événement d'ouverture. Tous les centres ouvrent en même temps, je pense. Oui, ben ça se passe beaucoup vendredi. Demain, par contre, il y a le dévoilement de la programmation du mois multi aussi. Donc, pour les intéressés, pour les curieux, ça va être à 11h la seule multi de Méduse pour découvrir la programmation de la prochaine édition. Donc, il y a déjà quelques noms qui sont sortis dans le pré-dévoilement. Oui, on va recevoir Ariane aussi en entretien éventuellement dans les semaines à suivre. Mais sinon, pour ce vendredi, ça va commencer du côté d'Engram avec Samuel Breton qui va présenter une exposition qui s'intitule Saint-Centre Sauveur du Rocher. Il faut se concentrer pour pas se tromper. Samuel Breton travaille sur... présente une œuvre sur le Centre du Rocher à Québec. Mm-hmm. Donc, qui a fait la manchette les derniers temps. Oui, exactement. Donc, une vidéo d'animation qui a été réalisée avec des enfants du primaire et une vidéo d'animation dans laquelle l'artiste fait différents collages. Ensuite, le vernissage, en fait, en même temps, du côté de la bande vidéo, il y a Caroline Belzile-Normand qu'on a déjà reçue à quelques reprises à l'émission en tant que responsable des communications à la Chambre Blanche. Donc, Caroline Belzile-Normand qui va présenter une installation composée de 3 vidéos à la bande vidéo. Mm-hmm. Le vernissage du côté de vue va débuter à 18h. Donc, 2 expositions à vue. Une exposition d'Emmanuel Léonard qui nous vient de Montréal, qui présente Pinel Nicolette Escu. Donc, Emmanuel Léonard qui nous habitué à un travail beaucoup sur le monde judiciaire, le monde policier. Donc, ça se poursuit dans cette veine-là. La deuxième exposition à vue, c'est une exposition qui s'appelle Investigation. Donc, une exposition sur le livre photographique qui a été réfléchi par Charles-Frédéric Ouellette. Donc, encore une fois autour de cette idée de l'enquête judiciaire. Donc, un regroupement de livres photographiques. Et enfin, à l'œil de poisson, c'est à 20h que la soirée continue. Mm-hmm. Donc, avec Nathalie Bugeaud, d'une part, qui nous présente des études vidéographiques pour instruments à cordes dans la Grande Galerie. Donc, une installation avec des instruments à cordes. Une installation à laquelle se croisent le textile, la musique, la vidéo, assez intriguant. On a hâte de voir ça. Oui, j'ai vu l'œuvre en montage avant les fêtes, là, quand j'ai fait un petit passage à l'œil, et puis ça m'apparaissait fort intéressant, là, ce qu'elle va présenter, donc, à voir. Et dans la petite galerie, Alexandre Bérubé, qui nous présente, son projet, Fire Retardment Theater, limite à la présentation d'une table de travail, entre parenthèses, sans chaise. Donc, Alexandre Bérubé qui termine tout juste sa maîtrise à l'Université Laval. Est-ce que c'est le prix tombé dans l'œil? Oui, c'était le prix tombé dans l'œil, au baccalauréat, à vrai dire. Qui nous présente donc encore une fois un travail qui poursuit autour de la table de l'artiste dans l'atelier. Et on vous rappelle que il y a maintenant un service de garde à Méduse pour les vernissages commun. Donc, pour ceux qui sont accompagnés de leurs enfants, il y a des places limitées, premier arrivé, premier servi, contribution de 8$ par enfant. Donc, vous pouvez vous informer à l'adresse info à commercialmeduse.org. Et c'est la dernière semaine pour voir Pierre Bonnard. Oui, il faut le rappeler au Musée national des beaux-arts du Québec. Sinon, très rapidement pour dire que cette semaine aussi, ce jeudi, il y a bande d'essai à la Galerie des arts visuels. Oui. Hein, et ça, on recevra justement soit la semaine prochaine ou la suivante, des artistes. Justement, c'est 4 jeunes artistes. Hein, ça revient à chaque année. Donc, on présente le travail d'étudiants au baccalauréat, justement des étudiants prometteurs. cette année, c'est Audrey-Anne Béliveau, Dani Massicotte, Anne Plourde et Stéphanie Letarte. Donc, c'est le vernissage ce jeudi 12 janvier à compter de 17h à ne pas manquer. Sinon, au lieu hein, aussi, il y a le Marc Boutin qui est un architecte géographe engagé, à vrai dire. On fait une rétrospective de son travail au lieu. Donc, à la fois des dessins, mais aussi des textes qu'il a rédigés, des agrandissements aussi de projets qu'il a présentés. Donc, on va pouvoir découvrir plus amplement son travail. C'est commissarié par Hélène Matte. Sinon, la semaine prochaine, peut-être juste le dire, il y a à Espace Parenthèse, hein, la galerie du Cégep Sainte-Foy, Thierry Arcambossé, hein, qu'on connaît bien ici à l'émission, qui va présenter des peintures, de nouvelles peintures. Et l'exposition est visible dès le 17 janvier, mais le vernissage se fera le 19 janvier à 17h. Et sinon, la salle d'exposition du pavillon Alphonse Desjardins, Catherine Mécanis présente l'odeur du sang humain mûri. On peut voir l'exposition à partir du 16, donc lundi prochain, et vernissage le 20 janvier, donc de 17h à 20h. Et simplement dire, pour les autres lieux d'exposition dont on parle à l'émission, bien, ça va être en février, donc Jean-Pierre Morin à la Certe Art Contemporain. Regard aussi va ouvrir avec la Manif d'art, la Chambre blanche aussi, la Maison Amel Bruno également, la Galerie Michel Guimond aussi. Oui. Donc voilà, puis en février on sait, c'est le mois multi et Manif d'art 8 qui va avoir lieu. C'est déjà tout pour nous. Hein, déjà, cette première mission de l'année qui a passé très, très vite. Oui. On vous rappelle d'aller nous suivre sur Instagram et la page Facebook hein, pour les photos qu'on a prises pendant l'émission. Et sinon, notre page web, l'aérospatiale.wordpress.com pour rattraper la balado-diffusion de l'émission. Un grand merci à nos invités Valérie Potvin, Lauriane Thibodeau et France Lamotte. Merci à Jacques Gignac, notre magicien des ondes. Demeurez à l'écoute de CKRL parce que Pierre Blais s'en vient avec son équipe de l'autre côté de la pause pour parler de cinéma à l'émission Situation Critique. Bonsoir Audrey. Bonsoir Gentiane et à mardi prochain. À mardi. Bye. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Pierre Blais anime Situation Critique, l'émission sur le cinéma dans quelques instants. Vous écoutez CKRL 89.1, Québec. Le Bal du Lézard est fier d'encourager les talents d'ici et vous présente cette soirée. Cet hiver, vivez l'expérience du Mois Multi, le Festival international d'art multidisciplinaire et électronique de Québec. Tout le mois de février, découvrez des performances et des spectacles inédits. Embarquez dans un road trip cinématographique. Ressentez l'impact poétique de la violence. Laissez-vous guider par des voix automatisées. Le Mois Multi, c'est 25 jours de festivités et de rencontres avec des œuvres hors du commun. En primeur cette année, un passeport vous donne accès à l'ensemble des activités. Du 2 au 26 février à Méduse et chez plusieurs partenaires. moimulti.org. La 9e édition de Planche est maintenant disponible. Dans ce nouveau numéro, devenez spécialiste des BD avec Éric Hécaton, voyagez dans l'espace avec Jean-Paul Hed, ou encore plongez dans les dessous de la création de la bande dessinée à succès Hiver nucléaire en compagnie de Cab. Sous la couverture signée Jimmy Beaulieu, découvrez une toute nouvelle chronique intitulée Rencontre, dans laquelle Catherine Ousselot dialogue avec une personnalité. Abonnement papier ou numérique sur revueplanche.com ou en librairie dès maintenant. La chance ne vous a jamais souri? Le vendredi 13 vous terrifie? Notre concours Vendredi 13 pourrait changer votre vie. Salut, ici Michel Dubois. Courez la chance de gagner un bon d'achat de 400$ applicable à l'achat d'une table tournante chez Audiolite. Pour participer, dites-nous pourquoi vous écoutez l'émission Rue d'Auteuil et faites-nous parvenir votre réponse à CKRL 405 3e Avenue G1L 2W2 ou par courriel à pommenoir@yahoo.ca. Le tirage aura lieu en direct le vendredi 13 janvier en compagnie de Michael de chez Audiolite. Participez en grand nombre. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dyn Audio, Focal, Grado. Audiolite, toujours spécialiste en son et image. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca.